Bonjour à tous et bienvenue à French Pod. Je m'appelle Amaury. Et je m'appelle Aïka, bonjour. This is an upper intermediate lesson. Et tu sais, en ce moment, Amaury, il y a les grandes élections des États-Unis. Oui, on en parle beaucoup, partout, en France aussi. C'est vrai, même en dehors des États-Unis, ouais. Tout le monde en parle. Ouais. C'est pour ça qu'on a créé cette leçon. Pour parcourir le vocabulaire qu'on emploie lors du moment des élections. Et aussi une autre raison, c'est que tu sais que les Français adorent la politique. Et maintenant, on écoute ce dialogue. Je ne comprends pas comment tu peux tenir de tels propos. Écoute, qu'est-ce que ça va changer ? C'est toujours la même chose. Des promesses, et encore des promesses. Jusqu'au jour du vote. Et ensuite, la situation n'évolue pas. Mais tu dois bien avoir une opinion, un candidat dont tu te sens plus proche. Je ne trouve pas que leur programme soit vraiment différent ou qu'ils aient des idées bien distinctes. De toute façon, voter est un devoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Désolé, mais le vote n'est pas obligatoire. Pense à toutes ces personnes qui se sont battues pour que nous puissions bénéficier du droit de vote. Je sais. Ou à toutes celles qui n'ont pas cette liberté. En m'abstenant, je montre que je n'adhère à aucune des politiques proposées. Dans ce cas-là, tu devrais voter blanc. Et il faut toujours patienter pendant des heures et faire la file. Tu as encore d'autres excuses ? Bon, je te dis la vérité. J'ai un concours de pêche le jour des élections. Au début, la première personne, il a dit une expression intéressante. Comment tu peux tenir de tels propos ? Alors, propos, ça veut dire les arguments. Voilà, des paroles. Remarks, reasons, intentions, ramblings. Alors ici, on a l'expression tenir des propos. Mais ici, tenir de tels propos. Oui. Des propos si incompréhensibles. Incompréhensibles pour l'autre personne, tout à fait. Oui. C'est pour ça qu'on emploie de tels propos. On va donner des exemples, en fait, pour illustrer cela. Ok. Quand on n'a pas assez dormi, ou encore quand on a trop bu, on est un peu saoul. À son réveil, ou bien comme il était saoul, la personne peut tenir des propos incohérents. Ok. Ce qui veut dire que la personne va dire des choses pas très logiques. Exactement, oui. Un autre exemple, on aurait... Il y a quand même des politiciens ou certaines personnes qui ont des positions assez radicales, tu vois. Mm-hmm. Et quand on les entend, on peut se dire, mais ils tiennent quand même des propos dangereux. Ok. Et ici, à French Pod, nous tenons des propos tout à fait sensés et instructifs. C'est vrai. Alors, l'autre personne, quand il commence à donner des raisons pour lesquelles il ne veut pas voter... Ouais. Il dit des promesses et encore des promesses. Et après toutes ces promesses, la situation n'évolue pas. Ouais, donc on a une manière sophistiquée de dire que la situation ne change pas. Mais bon, l'autre a quand même... Il ne comprend pas, parce que comment c'est possible que tu n'as pas d'opinion ? Exactement. Tu dois bien avoir un politique, un candidat dont tu te sens plus proche. Alors, le patriote... Oui, c'est vrai qu'il est... il dit « voter est un devoir et il ne faut pas le prendre à la légère ». Encore un autre point de son argumentation. De prendre quelque chose à la légère. C'est le contraire de prendre quelque chose au sérieux. Ça veut dire que tu ne prends pas cette chose au sérieux, tu la prends à la légère. Et voter, c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. Et après, l'autre, il a un argument qu'on entend souvent. Tout à fait. Dans les démocraties. Ouais, c'est quoi ? Mais ce n'est pas obligatoire dans notre pays. Alors... Pourquoi y aller ? Mais il a dit avant, c'est un devoir, ce qui veut dire tu devrais le faire. C'est ouais. Pour ça que c'est un devoir. Exactement. Ouais. Et il lui rappelle que... De nombreuses personnes se sont battues pour qu'ils puissent bénéficier du droit de vote. Pour que nous puissions, parce qu'il faut employer le subjonctif avec « pour que ». Tout à fait. Donc on a « pour que nous puissions ». Et après il continue, il dit « ou à toutes celles qui n'ont pas cette liberté ». Oui. Pourquoi il ne dit pas « à tous ceux qui » ? Parce qu'ici, il parle des personnes, qui est un mot féminin. C'est pour ça qu'on a « celle », une personne, oui. Alors, pensez à « toutes celles qui ». Oui. Toutes ces personnes. Exactement. Ok. Mais lui, il essaye de montrer une raison sensée, quand même. Il dit « en m'abstenant, je montre que je n'adhère à aucune des politiques proposées ». So, adhérer à quelque chose. Oui. Adhérer à une cause, adhérer à un parti. C'est un verbe très commun, très utilisé quand on parle de politique. Ok. Puisqu'on adhère à une cause, on adhère à un parti. Un parti politique, par exemple. Exactement, oui. Mais ici, il n'adhère à aucune des politiques proposer. Oui. La politique, ça veut dire les idées de cette campagne. Exactement, oui. Des deux candidats. Oui. Leur politique. Aucune de leurs stratégies, oui. Et là, l'autre propose quelque chose d'intéressant. L'autre, il pourrait être un politicien, il est très fort. Oui, peut-être. Il dit, mais alors tu devrais voter blanc. So, voter blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est quelque chose qui arrive en France, et donc, c'est quand on ne choisit aucun des deux candidats. Du tout. Tu laisses le... Le bulletin, ce qu'on appelle le bulletin, c'est le petit papier qu'on utilise pour voter. Et tu le laisses blanc. Exactement. Donc, tu ne mets rien. Voilà. Tu prends le papier. On le met dans l'enveloppe. Uh-huh. Et ensuite dans l'urne. Et c'est blanc. Et voilà. Ça veut dire voter blanc. Exactement. C'est-à-dire qu'on a choisi aucun des deux candidats. Oui. On n'adhère à aucune de leurs des politiques proposées par les candidats présents. Oui. Et en fait, c'est un vote. Exactement. Un vote pour personne. Et oui. Ça montre qu'on n'est pas content. C'est pour dire que j'aime ni l'un ni l'autre. Oui. Et je vais le montrer avec mon vote blanc. Oui. Alors enfin, il donne la vraie raison. Il est obligé d'avouer. Oui. Que s'il ne veut pas aller voter, c'est parce qu'il a un concours de pêche, en fait. Le jour même des élections. Un concours de pêche. Ouais. Pêche comme fishing. Exactement. Un fishing contest. Et c'est ça. Donc il a quelque chose de très important, on dirait. Donc on réécoute ce dialogue concernant la politique. Je ne comprends pas comment tu peux tenir de tels propos. Écoute, qu'est-ce que ça va changer ? C'est toujours la même chose. Des promesses, et encore des promesses. Jusqu'au jour du vote. Et ensuite, la situation n'évolue pas. Mais tu dois bien avoir une opinion, un candidat dont tu te sens plus proche. Je ne trouve pas que leur programme soit vraiment différent ou qu'ils aient des idées bien distinctes. De toute façon, voter est un devoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Désolé, mais le vote n'est pas obligatoire. Pense à toutes ces personnes qui se sont battues pour que nous puissions bénéficier du droit de vote. Je sais. Ou à toutes celles qui n'ont pas cette liberté. En m'abstenant, je montre que je n'adhère à aucune des politiques proposées. Dans ce cas-là, tu devrais voter blanc. Et il faut toujours patienter pendant des heures et faire la file. Tu as encore d'autres excuses ? Bon, je te dis la vérité. J'ai un concours de pêche le jour des élections. Okay, we're back, and now it's time for the subjonctif tip of the day. Ta-da! Je ne trouve pas que leur programme soit vraiment différent ou qu'ils aient des idées bien distinctes. So, je ne trouve pas que. Now, attention, because je trouve que does not employ the subjonctif. Je ne trouve pas que does. This is true for trouver. It's also true for croire. Penser. And penser. These three words, they're all kind of synonyms where you're giving something you think. Oui. Je trouve, je pense, je crois. So when you say in the positive, je trouve que je crois, que je pense que, it's certain, it's a fact, as far as I'm concerned anyways. Yeah, oui. But I guess the negative implies that it's more of an opinion. Oui, ça laisse un petit doute. Right. Okay, so we're going to practice these structures. We're going to use in the positive and the negative. We have a conversation about, argument about le vote. I don't really think that you shouldn't vote, but I'll take that position. To illustrate the things I do for you guys. Okay, so. Je ne trouve pas que ce soit nécessaire de voter. Ce n'est pas la peine. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est très important d'aller exprimer son intention de vote. Donc, je ne crois pas que tu doives penser de cette manière, Erika. Je pense que c'est logique. Je ne pense pas qu'il faille aller voter. Eh bien, moi, je trouve que tu as tort et je ne pense pas que tu sois une bonne citoyenne, une bonne patriote. Je pense que tu as raison. Je ne pense pas que je veuille continuer cette discussion. D'accord. I don't like being the anti-voter. Okay, so that's the subjonctive tip of the day. Trouver... croire, penser. In the affirmative, don't use it. In the negative, they do. Yeah. Dun, dun, dun. All right, let's talk just a little bit more about voting. Yeah. It's so funny, this conversation, that even if it was in France, this is the exact conversation people in America have. Tout à fait. And in France, they do too, huh? Bien sûr, puisqu'on a quand même des idées proches sur le fait que beaucoup de gens se sont battus. Yeah, like that argument, for example. Think of all the people that died to give you the vote. Oui. Or fought to give it to you. So you say that in France also? Tout à fait. Ça a un peu commencé avec la Révolution. Et après, tout au long des siècles, d'autres personnes se sont battues pour que tout le monde puisse voter. And in France, they especially fought in the legislature. Tout à fait. There's a lot of obstacles. Oui. Ça n'a pas toujours passé par des combats physiques, il y a eu des combats légaux aussi. And they have the same arguments. Ah, il faut faire la queue. Je crois que ça c'est partout. It is true that in France there's a higher percentage of voter turnout than in America. Oui, et ça vient probablement du fait que en France les votes se font le dimanche. And it's in spring also, so it's just a lot more practical, or it's a lot easier. Mais évidemment. It's on your day off and this weather's nice. Mais oui. Yeah, like we have to go on Tuesday. After work, c'est incroyable. In November, when the weather's starting to get bad, it's really easy for people to. I think most people intend to vote, and then the day is over, and they didn't end up there because they were tired after work, and the weather was bad, and they saw la file, and they're like, oh man. So, if you have any questions, come to FrenchPod.com. You can ask us. If you want to talk about the votes, there'll be a fun discussion. Bien sûr, venez nous rejoindre pour une discussion concernant tout type de sujet de façon en FrenchPod. Nous sommes toujours ouverts. Merci. À bientôt. Au revoir.